Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet. Eh bien, merci de nous écouter. Aujourd'hui, eh bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir Philippe Fosseux, notre ami Philippe Fosseux, président de l'association Lorraine de musique de chambre, l'ALMC, qui, eh bien, vient nous présenter durant toute la saison, eh bien, tous les programmes proposés par l'ALMC, les concerts. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler du prochain concert qui sera donné prochainement, donc le lundi 26 novembre. Janvier à 20h, salle Poirel, et qui sera consacré à une compositrice que l'on connaît mal, Mélanie Bonis, dite Mel Bonis, compositrice du début du XXe siècle. Et j'ai l'impression, Philippe Fosseux, que ce concert est pas vraiment un concert, c'est plus quelque chose qui s'apparente à un récit avec de la musique ou quelque chose comme ça. Comment vous définiriez ce prochain spectacle? Alors, c'est à la fois un concert, puisqu'il y aura une partie qui sera réservée au quatuor de Mel Bonis, un très beau quatuor, qui sera la deuxième partie du concert. Et effectivement, la première partie, ce sera un récit ponctué par de la musique. Il y aura une sélection d'une dizaine d'œuvres qui vont être proposées pour illustrer la vie et les tourments de Mel Bonis. Mmh. Alors Mel Bonis, c'est une femme effectivement dont on a peu parlé, comme beaucoup de compositrices du 19e et avant. On va la situer dans le temps, elle est née en 1858, elle est morte en 1937. Hein. Exactement, donc on a quelqu'un qui est à la fois à cheval sur le siècle où l'homme était le tout-puissant et le début d'un mouvement vers plus de parité et d'égalité. Oui, enfin, pour autant, ce n'est pas une musicienne qui avait des revendications suffragettes. Hein. Ah, pas du tout, pas spécialement. Non. Hein. Pas du tout, au contraire. Elle respectait parfaitement. Ses parents étaient absolument horrifiés de la voir faire de la musique. C'est de saltimbanque, c'est oui. pas... Et elle a même accepté... Alors, on le verra dans le spectacle, elle a même accepté de quitter le conservatoire où elle était pourtant une des excellentes élèves de César Franck, parce que, tout simplement, il y avait un monsieur qui ne plaisait pas aux parents et qui la courtisait. Ah. Bon, lequel lui fera ensuite un enfant, on verra ça dans le spectacle. D'accord. Ouais, il faut dire aussi que certains compositeurs, même issus de milieux aisés, aristocratiques, avaient beaucoup de mal à devenir compositeurs, parce que la famille s'y opposait sérieusement. Hein. C'est le cas, par exemple, de Rimsky-Korsakov. Tout à fait, c'est ces conventions de l'époque où le métier de la musique n'était pas reconnu. C'était... Ouais. Alors Philippe, comment vous définiriez la musique de Mel Bonis? Alors la musique de Mel Bonis, elle est à cheval entre le 19 et le 20e siècle en fait. Ouais. Elle est à cheval entre l'académisme et les classiques romantiques, donc sa musique est tout à fait tonale, il n'y a aucun problème, ouais. Mais elle a des petits Roland de Debussy de temps en temps. C'est une musique qui est tout à fait étonnante, très agréable à écouter. Je dirais que on appellerait ça peut-être musique légère aujourd'hui par rapport aux grosses musiques, grandes musiques un peu lourdes. C'est très intimiste finalement. C'est assez intimiste, oui. On va pouvoir s'en rendre compte puisque je vous ai demandé, comme à l'accoutumée, de nous préparer un programme musical, nous concocter un programme musical, Philippe. Et vous avez souhaité, bien évidemment, ouvrir votre programme avec de la musique de Mel Bonis, une pièce pour piano jouée par Joseph Moog, c'est ça, hein? Tout à fait, oui. Alors, Mel Bonis a écrit de très très nombreuses œuvres. Elle a écrit beaucoup de chansons, beaucoup de petites pièces pour piano. Et cette pièce en fait partie, c'est une très jolie pièce. Hein. On va très bien avoir l'atmosphère générale de la musique de Mel Bonis. un peu de la musique de Mel Bonis, Mélisande, interprétée au piano par Joseph Moog. Alors Philippe Fosseux, on va rappeler donc que ce concert aura lieu le lundi 26 janvier à 20h, c'est ça ? Tout à fait. Avec quels interprètes ? Alors nous aurons l'ensemble I Giardini, qui est un ensemble dont le responsable est David Violi, qui est un enfant de Nancy, qui a fait ses études de conservatoire ici avant de continuer une carrière internationale. Et puis nous aurons comme conteur Janowski, qui est un personnage tout à fait étonnant, de plus de 2 mètres de haut, avec une voix tout à fait extraordinaire. Ouais. C'est un comédien qu'on a déjà accueilli plusieurs fois à la LMC, qu'on retrouvera au mois de décembre prochain d'ailleurs. Alors ce qui est étonnant, c'est que maintenant, dans vos programmations, toutes les saisons, on a ce type de, je ne sais pas comment définir ça, de spectacle, où il y a un récitant et puis de la musique en même temps. Oui, moi je l'appelle ça concert littéraire, quoi. Concert littéraire. Effectivement, oui. C'est à la fois, c'est vrai que la musique et la littérature vont très bien ensemble, à condition de pas trop les superposer. Ce que j'aime moins, c'est quand la voix couvre le piano ou l'ensemble couvre le compteur, ça va pas. Mais quand c'est bien équilibré, quand c'est assez fluide, c'est un bel ensemble. Je trouve que ça permet de s'évader pendant une heure et demie réellement, d'autant qu'en plus on va là, Janowski va raconter une très belle histoire qui est l'histoire de la vie de Mel Bonis, qui est quand même pas tout à fait l'histoire de tout le monde. Ouais. Alors quand même, Philippe Fosseux, président de l'Association Lorraine de Musique de Chambre, j'imagine que vous devez parcourir un peu tous les spectacles de France et de Navarre pour dénicher ce type de production quand même. C'est pas évident de trouver un spectacle aussi original. Non, tout à fait. Oui, il faut voyager beaucoup par Internet, hein, parce qu'on peut pas non plus se déplacer partout. Bien sûr. Bon, c'est vrai que je me déplace un petit peu pour aller voir un spectacle ou un autre, notamment les spectacles pour les enfants, où j'aime bien avoir une vue avant de les choisir. Mais on a, surtout sur Internet, on a énormément maintenant de possibilités. On a les informations qui nous arrivent par les agents, par les artistes eux-mêmes. On parle, on discute, il y a toujours des tas d'opportunités qui apparaissent. Et comme je m'y prends 2-3 ans à l'avance, je réussis à trouver à peu près ce que je souhaite. Et des spectacles littéraires, il y en a de plus en plus. Ah bah tant mieux, parce que finalement, c'est une bonne façon aussi d'aborder la musique classique, dite classique, pour un public qui la connaît mal, finalement. Absolument. Je pense que ce concert-là, c'est tout à fait typique. C'est le concert où la musique est facile à écouter, d'une part, et puis surtout, elle va être agrémentée par ce récit de la vie et du secret de Mel Bonis, qui est un vrai secret. Enfin, c'est l'histoire qu'on va raconter. Il y a du suspense. Il y a du suspense, si je peux dire. Mais l'histoire qu'on va raconter est tout à fait vraie. Elle est tout à fait étonnante et on pense que c'est une histoire inventée, mais pas du tout. D'accord. Bah, en tout cas, vous avez mis l'eau à la bouche, je pense, à pas mal d'auditeurs. Hein. Il y a encore des places, là ? Il y a encore des places, oui, pas de problème. Bon. Allez, on va continuer à écouter, à découvrir votre programmation musicale, Philippe, et vous avez eu envie d'écouter un peu de Beethoven, l'ouverture Coriolan, qui est peut-être l'ouverture la plus célèbre de Beethoven, avec l'ouverture d'Egmont. Tout à fait, là, on est dans les grandes œuvres bien connues, œuvres puissantes, expressives, dramatiques. Je crois que c'est une des œuvres du style héroïque de Beethoven. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir quand j'écoute cette musique, elle me rappelle des tas de souvenirs. Allez, on écoute l'ouverture Coriolan de Beethoven, l'Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Karl Böhm. Thank you. Discothèque classique, votre rendez-vous classique les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet. Et c'était l'ouverture Coriolan de Beethoven avec l'orchestre philharmonique de Berlin. Direction Karl Böhm, le choix de mon invité Philippe Fosseux, président de l'ALMC, Association Lorraine de Musique de Chambre, qu'on ne présente plus à nos auditeurs puisque c'est un invité régulier de cette station, maintenant de cette émission, hein, Philippe. Oui, tout à fait, oui. Je suis là 8 fois par an, quoi. Ouais, c'est pas mal. Alors, ouais. On va découvrir la suite de votre programmation puisque vous avez programmer les extraits musicaux de l'émission et vous avez souhaité écouter Albéniz. Bah, ça m'étonne pas tellement de vous parce que je sais que vous avez une véritable passion, Philippe, pour la musique espagnole. C'est vrai que c'est une musique tout à fait intéressante, c'est une musique qui me motive énormément, et puis c'est une musique qui est très parlante finalement, dans la plupart des œuvres. Il y a quelques œuvres un peu difficiles dans la musique espagnole, mais Albéniz en particulier, avec cette suite espagnole qu'on va écouter en partie, a fait quelque chose qui est tout à fait intéressant, et il s'est lâché un peu, hein. Il mm-hmm. était censé faire des choses qui étaient caractéristiques de chaque région. D'Espagne, il les a intitulés avec les régions d'Espagne, mais ça s'arrête à peu près là. Quoi. C'est une très belle musique, hein, celle-là, et ça me plaît beaucoup. Et puis on va rappeler qu'il y aura bientôt un programme espagnol dans le cadre de l'association Lorraine de musique de Tout chambre. Tout à fait, le 2 mars, on aura Jean-François Esser qui, en première partie du concert avec le quatuor Talisch, quatuor mythique tchèque, va nous offrir une première partie avec Albéniz, avec Monpou. Voilà. Ouais. Et Jean-François Esser, il faut le rappeler, c'est quand même un spécialiste de ce répertoire. C'est le Ça spécialiste. Ça fait très très longtemps qu'il enregistre. Et c'est qu'il sa passion. C'est sa passion. Il joue en concert, c'est ce répertoire espagnol. Tout à fait. Allez, on écoute cet extrait de la suite espagnole Catalunya, bah la Catalogne, hein, je suppose. Bien sûr, oui. D'Albéniz, joué au piano par Hervé Billot. Thank you. Un extrait de la suite espagnole d'Albéniz, Catalunya, joué par Hervé Billot, le choix de mon invité Philippe Fosseux, président de l'association Lorraine de musique de chambre. On va encore donner les coordonnées du concert qui sera donné le 26. Le 26, donc le secret, Mel Bonis, une compositrice de 19-20e, ouais. Avec un spectacle qui sera à la fois, comme je le disais tout à l'heure, concert littéraire. Avec ça, un, c'est formidable. Un conteur. Je pense que ça va vraiment intéresser beaucoup, beaucoup de spectateurs, je le dis, parce qu'il y aura donc ce texte qui va être dit par un comédien, et puis cette musique de Mel Bonis qui est magique. Hein ? La musique est magique, et le texte de Yanofsky, puisqu'il a écrit le texte spécifiquement sur la vie de Mel Bonis, le texte est intéressant, c'est un très grand auteur, Yanofsky. Ouais. C'est lui qui est l'auteur du texte. C'est lui qui est l'auteur du texte, et qui a une écriture absolument fantastique, c'est une écriture très acérée et très belle. Allez, on continue à découvrir votre programmation, Philippe, et vous avez eu envie, mais là encore je ne suis pas surpris, d'écouter du Anton Dvorak. Et là je retrouve ce que vous aimez finalement en musique, c'est souvent vous nous proposez des œuvres très colorées. Oui, j'aime bien la couleur dans la musique. La musique bateau ne fait pas partie de mes passions. Oui. Et c'est vrai que Dvorak, c'est coloré, c'est illustratif, c'est la nature. Mais j'ai l'impression que vous aimez aussi les musiques avec des teintes, des terroirs en quelque sorte. J'aime ça, j'aime toutes les musiques, mais en particulier celle-là, parce que c'est celle qui touche le plus. Je suis un peu fleur bleue là, romantique. Non, mais c'est vrai que c'est un côté en plus tout à fait dépaysant d'écouter des musiques où il y a des connotations qui viennent des pays, de pays étrangers. Absolument, d'autant que la bohème, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait extraordinaire au point de vue des teintes, de ce qu'on en a tiré, des tableaux. On peut rêver facilement quand on écoute de la musique tchèque. Voilà, la bohème, c'est l'ancien nom de la région de Tchéquie. Voilà. On va écouter un extrait de Quatuor à cordes, Les Cyprès de Dvorak, par le Quatuor Prazak, un quatuor que l'on pourra écouter prochainement dans le cadre de la LMC. Alors, Prajak n'est pas prévu, nous les avons eu déjà plusieurs fois. Le quatuor en plus a changé pas mal puisque le quatuor s'est séparé, c'est un nouveau quatuor Prajak qui joue maintenant avec les enfants pour certains et d'autres musiciens. Donc il y a tellement de quatuors qui veulent venir jouer, je dirais que la liste d'attente est relativement longue. J'imagine. Allez, on écoute un peu de Dvorak parler Prajak. Thank you. Dvorak au programme de Discothèque Classique ce samedi, le choix de mon invité Philippe Fosseux, président de la LMC. C'était deux extraits du quatuor à cordes Les Cyprès par le quatuor Prazak. Et on va continuer à découvrir votre programmation, Philippe, et vous avez eu envie de nous emmener en Norvège après la République tchèque. Pourquoi ce choix de Grieg ? Oh, Grieg, c'est un scandinave, c'est coloré, c'est intéressant, c'est très frais comme musique, c'est très éclatant, et puis j'aime bien Grieg depuis toujours, parce que c'est une musique assez facile à écouter. Ouais. Et ce concerto pour piano est un très beau concerto, puisque c'est beau, j'ai envie de le partager. C'est bien. Et puis, il a composé aussi un quatuor. Peut-être qu'on aura l'occasion de l'entendre dans le cadre de la LMC. Il y a des chances, oui, parce tout c'est à fait. Belle, c'est un jeu génial, oui. Cette œuvre-là. Elle est peu connue, en plus. Oui, c'est un compositeur qui est tout à fait intéressant. Alors, très connu pour son Pergi, pour la musique de scène. Pour la musique de scène, voilà. Moins connu pour sa musique symphonique ou musique de chambre. Surtout pour la musique de chambre, mais ce quatuor qui a été d'ailleurs arrangé pour ensemble de chambre amplifié en quelque sorte. Vraiment, c'est une très très belle œuvre. Hein. Et puis il y a les pièces lyriques évidemment pour piano. Allez, on écoute un peu de cette musique de Grieg, le concerto pour piano. Vous avez choisi le deuxième mouvement Adagio. En soliste, Margherita Hohenrieder, le Northwest Dutch Philharmony est dirigé par Jonathan Hayward. Discothèque classique, votre magazine classique sur Radio Fadjet, les samedis et dimanches de 11h à midi. Et c'était le choix de Philippe Fosseux, le président de l'association Lorraine de musique de chambre, le deuxième mouvement du concerto pour piano de Grieg avec Margarita Hohenrieder en soliste et le Nord-Ouest Dutch Philharmonie, direction Jonathan Eward. Ensuite, vous avez eu envie, cher Philippe, de nous faire découvrir la danse styrienne de Debussy et vous avez même indiqué pour l'orchestre, Orchestre National de Feu, le RTF. Eh ben oui, ça ne nous rajeunit pas. Oui, tout à fait. Alors, c'est une œuvre qui est intéressante, alors d'autant qu'elle a été orchestrée par Maurice Ravel. Donc on a à la fois la beauté de l'écriture de Claude Debussy et la qualité extraordinaire d'orchestrateur de Maurice Ravel dans cette œuvre de jeunesse de Debussy. On est là encore dans la période où il est entre un peu comme Melbourne's l'était, oui. Il est entre le romantisme et le Debussy qu'on connaîtra ensuite avec ses recherches harmoniques particulières et nouvelles. Est-ce qu'il y a du Debussy au programme de la saison de la LMC cette saison ? Alors, a priori, je ne pense pas qu'il y ait de Debussy. On va avoir dans les quatre prochains concerts des choses assez différentes. Alors, je revérifie le Grosvenor qui va venir, Benjamin Grosvenor, le plus grand pianiste anglais. Mais là, on aura du Beethoven, du Schumann, du Scriabine et du Schubert. Bon, on peut toujours espérer un bis de Debussy. Mais on peut espérer un bis de Debussy. Bon, de sa part, je ne suis pas sûr, mais on aura un spectacle Schubert-Beethoven, là encore, en avril, avec Philippe Cassard, David Grimal et Anne Gastinel en trio. Trois grands noms qui font des choses extraordinaires. Jean-François Esser et Quatuor Talich, non, il n'y aura pas non plus de Debussy, c'est pas prévu. Voilà, c'est pour les prochains concerts. C'est pour les prochains concerts. Voilà. Mais il y en a très régulièrement. Hein, C'est difficile de se passer de lui d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Allez, on écoute cette danse styrienne de Debussy, orchestrée par Ravel, l'Orchestre National de l'ORTF et dirigée par Jean Martinon. Thank you. Danse styrienne de Claude Debussy, orchestrée par Maurice Ravel, l'Orchestre national de l'ORTF et Jean Martinon. Alors dites-moi, Philippe, finalement, cette musique de Debussy, ça fait une bonne passerelle avec Mel Bonis, qui a vécu à la même époque que Debussy. Tout à fait, oui, on a exactement la même tendance entre Mel Bonis et Debussy, là. Période d'abord un peu romantique, et puis ensuite des périodes un petit peu plus recherché avec des sonorités et des harmonies différentes. Alors donc Mel Bonis, elle est au cœur du prochain concert de l'orchestre proposé par la LMC. Lundi 26, effectivement, Mel Bonis avec son histoire tout à fait étonnante, son secret qu'elle partagera avec les spectateurs du concert et un texte écrit et dit par Janowski. Auteur et comédien, chanteur, saltimbanque dans tous les termes, dans tous les sens du terme. Alors ensuite, on continue à découvrir votre programmation, Philippe Fosseux. Vous avez eu envie d'écouter un peu d'opéra avec Bellini, Castadiva. Est-ce qu'il faut présenter cette œuvre chantée, s'il vous plaît, par Maria Callas? Oh non, on ne présente plus Castadiva, ni Maria Callas d'ailleurs. Mais bon, je voulais le programmer au mois de décembre pour pour commémorer sa naissance, les 100 ans de sa naissance, mais bon, c'était le 5 décembre, anniversaire de sa naissance, pas les 100 ans, parce que c'est 102. Oui, d'accord. Bon, donc mais c'est un tube de la musique classique, historique. Enregistrement historique et incontournable. Enfin, voilà. C'est un des monuments de la musique. Allez, on écoute cette air fameux, la cavatine Castadiva de Norma de Bellini, Maria Callas, l'orchestre de la Scala de Milan, direction Tullio Serafin. célèbre Casta Diva, tirée de Norma de Bellini, la voix de Maria Callas, l'orchestre de la Scala de Milan, les chœurs dirigés par Tullio Serafin, Serafin, donc le choix de mon invité d'aujourd'hui, qui était Philippe Fosseux, président de l'association Lorraine de Musique de Chambre. Bon, on n'aura pas beaucoup le temps d'écouter Schumann, vous aviez prévu Schumann pour terminer l'émission, mais je crois que ça va être un peu juste. Philippe, alors est-ce qu'on peut évoquer, donc rappeler de quoi il retourne avec ce prochain spectacle de la LMC? Donc, prochain spectacle sur la musique de Malbanis, avec l'histoire de Malbanis racontée par Janowski, une histoire un petit peu insolite et exceptionnelle, comme on pourra en juger si on vient assister au concert. Et puis, en même temps, je voudrais rappeler qu'il y a un concert le 18 mai. Alors, celui-là, il est beaucoup plus tardif, mais il m'intéresse aussi beaucoup. C'est la petite messe solennelle de Rossini dans sa version originale, deux pianos, harmonium et chœur de chambre, avec un extraordinaire chœur de chambre du sud de la France. Même les éléments, c'est absolument très, très beau. Et c'est une messe qui est fantastique. C'est une messe très opéra, avec énormément de surprises et des airs magnifiques, des passages de solistes tout à fait extraordinaires. D'accord, et ce sera donné aussi Salle Poirel. Et ce sera donné Salle Poirel, tout à fait, mais la Salle Poirel va très bien, même si on n'a pas une cathédrale pour la donner. Bon, en tout cas, on va rappeler bien sûr le concert de Malbanis, autour de Malbanis, sa vie, son œuvre, le 26 janvier prochain à 20h, Salle Poirel. Il y a encore des places, précipitez-vous pour passer une excellente soirée, vraiment. Et puis, Philippe, on vous retrouve très prochainement pour nous présenter évidemment le concert suivant de la saison 2025-2026 de l'association Lorraine de Musique de Chambre. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous. Et on se retrouve demain à 11h pour une nouvelle émission de Discothèque Classique. Excellent samedi à toutes et à tous, et à demain.